radio du Québec. Parle pas au fond. Viens par là, je te dis un truc. Moula calé dans le Hulk. Fais rentrer billet couleur tête de Hulk. Un peu pas nous les qui luttent. Pas au fond, viens pas là, je te dis un truc. Moula calé dans le Hulk. Fais rentrer billet couleur tête de Hulk. C'est la jacque des barons cric, ma gueule. Devant l'OPG, tu calmes ta gueule. Viens rechercher les à plus de 10 balles. Tu puis de la chatte en plus, t'es même pas belle. Descends ta cavale comme Gareth Bale. J'ai mis Coca-Cola dans ma Jackman. Je vais sûrement mourir comme Jackman. Je rêve de Bali, mais là je suis dans la tête. Tour et moi j'aime trop la vitesse. Fils au Dieu, j'arrive dans ma vitelle. La famille est sous, ça c'est vital. Au milieu comme Arturo Vidal. Elle change sa tête, pratique d'un mal. Le shit à faire augmente à chaque année. Je peux plus écrire ça dans 4 anneaux. Les yeux rouges calculent plus trop les panneaux. Je peux plus écrire ça dans 4 anneaux. Les yeux rouges calculent plus trop les panneaux. Demande à le savoir sur le couteau. Demande à le savoir sur le couteau. Savant la dose, dose, dose. Puis je prends ta conso. Savant la dose, dose, dose. Puis je prends ta conso. Savant la dose, dose, dose. Puis je prends ta conso. Savant la dose, dose, dose. Puis je prends ta conso. Puis je prends ta conso. Savant la dose, dose, dose. Puis je prends ta conso. Voté tout est carré, votre l'instru où elle tombe à pic. Yankee tout est carré, donc tu récupères ta consa à pile. Pas de lunettes teintées, cheveux teintés ça donne un style. Survêt trop gros capuche, dégaine à caillou c'est mon style. C'est soit tout, soit le rap, soit le terrain. Quête mes ennemis, moi j'les terrasse. 40 degrés, j'suis sous Chivas. Y'a un plan sous, t'inquiète, j'y vais. Stopper le rap, ouais, j'y ai pensé, pensé. Même sur de la trappe, j'te fais danser, danser. Quête la concu, faire du dance hall. Pas de nouveaux amis, toujours dans le hall. Là y'a 3 points, on parle pas de basketball. J'te bats du BMF de 10 balles. Plus de vécu qu'on rappeur le trou de balle. Et s'il y a un trou, tu manges 3 balles. S'il y a un trou, tu manges 3 balles. Midi, minuit, j'donne pas de nouvelles. Le mari noir, on nifle la poubelle. Sur la tête, y'a Maya la veille.